Chapitre 2e, le romancier romanesque. Ce qu'on appelait pendant quelque temps le romantisme, c'est-à-dire la littérature d'imagination, avait eu le sort de toutes les écoles littéraires. Il était devenu la proie des imitateurs inintelligents et avait une arrière-garde ridicule. Ces héros extraordinaires étaient devenus des bandits ou des capitans burlesques d'invraisemblance. Ces femmes frêles et plaintives, ces Ophélie ou ces Elvire, étaient devenues des créatures aériennes et insaisissables. Tenue sine corpore vitae, volitantes cava sub imagine formae. Ces effusions religieuses s'étaient vaporisées en vague mysticisme. Ces aventures singulières étaient devenues d'incroyables imbroglios d'événements fantastiques. Sa poésie élégiaque avait dégénéré en romance de Loïsa Puget. Quand vous verrez tomber, tombez les feuilles mortes. Tout ce bas romantisme, car il est difficile de lui donner une dénomination plus claire ou plus honorable, Balzac l'a accepté, l'a goûté, lui, l'homme de génie, et lui a donné une grande place dans son œuvre. Il y a en lui un Eugène Sue, un Soulier et un mauvais élève de Ballanche. Il a raconté des histoires noires de forçats étranges, dernière incarnation de Vautrin, des associations mystérieuses et criminelles, histoire des 13, des romans de cour d'assises, une ténébreuse affaire, qui font songer à Gaborio. Il a perdu la moitié de sa vie à cela. Et nous ajouterons, comme toujours, cela nous serait indifférent, s'il n'était arrivé, comme toujours aussi, que dans ses œuvres les plus sérieuses, l'humeur folle du romancier de cabinet de lecture éclate tout à coup, donne soudain à l'ouvrage un caractère inattendu et le gâte. Alors que nous nous sentions en pleine réalité, bien observée et bien peinte, brusquement, une fortune rapide et inexpliquée d'un personnage, un changement de situation imprévue, un bond dans le fantastique nous surprend et altère tout notre plaisir. L'imagination vulgaire a tout à coup pris le dessus. C'est le passage subi de la gêne à la grande fortune de M. de Mortsauf, le Lys dans la vallée, la métamorphose bien rapide et bien peu éclaircie de Philippe Bridau, le soudard escroc, placé sous la surveillance de la police, en officier général, grand dignitaire et duc et pair de France, où peu s'en faut. Lisons-nous un roman de mœurs ou la grande-duchesse de Gerolstein. Les illusions perdues sont un bon roman réaliste et où il y a bien du talent. Mais examinez de près la vie que mène Lucien de Rubempré lancé dans le journalisme. Faites le compte d'une de ses journées, plaisir et travail. Je défie qu'on n'y trouve pas, en supposant l'organisation la plus vigoureuse et en supprimant tout sommeil, moins de 70 ou 80 heures. La journée de Ponocrates travaillant avec Pantagruel est moins occupée, paraît oisive par comparaison. Songez de même aux prodiges plus que gigantesques de travail et d'économie qui sont dans la peau de chagrin, dans Savarus. Nous sommes en pleine fantasmagorie. Cela gâte et affaiblit ce qui est à côté, met en défiance, haute, pour ainsi dire, de l'autorité à l'observation du peintre de mœurs. De même, son mysticisme est tout romanesque. Il a quelque chose de voulu, de tendu et de forcé. Non seulement Louis Lambert et Séraphita sont des rêveries pénibles et mal enchaînées, mais elles ne semblent pas sincères. Elles semblent, comme les sept cordes de la lyre de George Sand, l'effet d'une sorte de gageur, un parti pris de se conformer à un dégoût du temps. On fait des monstres, faisons des monstres. On fait aussi des nuages, soyons aussi nébuleux qu'un autre. Son goût, à jamais déplorable, de faire des portraits de grandes dames, vient d'abord de sa vulgarité prétentieuse. Il n'est commis voyageur qui ne se persuade qu'il a produit une forte impression sur une duchesse. Et ensuite, de ce même souci de suivre le bel air du temps. On est distingué et délicat, soyons délicats et distingués. Dieu sait comme il l'est le malheureux, et à quoi ressemblent ces maufrigneuses. Je voudrais qu'on me dise ce que pense M. Feuillet des romans mondains de Balzac. Mais je crois le savoir. Il a voulu écrire le roman de la vertu pure et de la délicatesse exaltée. C'est le Lys dans la vallée. Ce livre, très admiré, dit-on, en sa nouveauté, est peut-être, sauf quelques détails, le plus mauvais roman que je connaisse. Parce que Madame de Mortsauf reste chaste et fait des discours du plus effroyable pédantisme sur la vertu, Balzac croit avoir peint l'honnête femme. Il est vrai que cette honnête femme passe toutes ses soirées dans un parc à expliquer la vertu à un jeune homme qui l'aime. il me semble qu'elle ne perdra rien de son honnêteté à la commenter moins. D'autant plus que voici de son style. Ma confession ne vous a-t-elle donc pas montré les trois enfants auxquels je ne dois pas faillir, sur lesquels je dois faire pleuvoir une rosée réparatrice, et faire rayonner mon âme sans en laisser adultérer la moindre parcelle? N'aigrissez pas le lait d'une mère. Le jeune homme est aussi vrai, et a la même simplicité d'expression. C'est lui qui raconte. Madame a raison, dis-je en prenant la parole d'une voix émue qui vibra dans ces deux cœurs où je jetais mes espérances à jamais perdues, et que je calmais par l'expression de la plus haute de toutes les couleurs, dont le cri sourd éteignit cette querelle comme, quand le lion rugit, tout se tait. Oui, le plus beau privilège que nous ait conféré la raison est de rapprocher nos vertus aux êtres dont le bonheur est notre ouvrage, et que nous ne rendons heureux ni par calcul, ni par devoir, mais par une inépuisable et volontaire affection. Évidemment, Balzac s'applique. Il s'agit de faire penser et parler des âmes d'élite. Il a bien compris que la haute distinction morale consiste à énoncer dans le style de M. d'Arlincourt des pensées de Joseph Prudhomme. De compte fait, toute la mauvaise littérature venue à la suite du mouvement littéraire de 1820, et qui en est comme la parodie, a été très estimée de Balzac, très imitée et encore maladroitement par lui, et a laissé dans tous ses ouvrages des traces profondes. Je ne vois guère qu'une manie de la génération littéraire dont il était qu'il n'a pas suivi. C'est le sentiment de la nature et la fureur de décrire des paysages. Il y en a peu dans son œuvre, et ceux qu'on y trouve sont courts et sobres. Et encore, ce n'est qu'un seul exemple, mais il est significatif. Le fameux bouquet du Lys dans la vallée, si admiré, et non sans raison, par M. Taine, ce bouquet, passionné, troublant, subtil messager d'amour, il est bien dans le tour d'esprit des paysagistes de 1830. Et nous le verrons, plus tard, s'épanouir, se gonfler, s'étendre, et devenir, chez un romantique sans le vouloir, l'énorme et fantastique paradou de la faute de l'abbé Mouret.